Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est moi Dorian sur iFunk. Eh bien ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, eh bien évidemment c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, vous êtes en tous les cas, je vous le rassure, sur Radio Fadjet 94.2. L'objectif de l'émission évidemment, un maximum de funk, un maximum de plaisir, et évidemment des nouvelles découvertes et des nouveaux trucs et du fun et de la folie. Bref, du funk. Alors dans cette émission aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu des nouveaux sons et puis évidemment ceux que vous connaissez, hein, puisque j'ai envie de vous mettre un petit peu de Michael Jackson quand même, puisque forcément si tu penses à du funk, si tu penses à de la musique trop stylée, tu penses à Michael Jackson. Et puis aussi il faut pas oublier que sur la première émission j'ai pas forcément mis du son Michael Jackson, puisque le 25 juin le jour où il nous a quittés, en tous les cas de manière physique, puisque sa musique est toujours là avec nous, évidemment. Donc je vous mettrai, on va commencer avec du son funk, hein, évidemment, et puis ensuite, eh bien, on va découvrir des nouveaux sons. Je vous mettrai un petit son soul, toujours avec des infos. Alors, là, on va commencer tout de suite, comme promis, hein, du coup, avec du Jackson. On va commencer avec Jackson quand il était tout petit, hein. Évidemment, les Jackson 5, la team Jackson 5. Et puis, je vous retrouve tout de suite après pour en parler un petit peu. Et vive le funk, c'est parti. Jackson 5, check your body. J'espère que vous allez check your body too. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Et donc c'était Jackson 5, Check Your Body. Alors j'espère évidemment que de votre côté c'est un peu Check Your Body, hein, secouez votre corps, hein, en traduction française. En tous les cas, sachez que vous êtes toujours sur iFunk, vous êtes toujours sur Fadjet 94.2. Et évidemment j'espère que vous avez toujours le smile, parce que vous avez toujours le funk, hein. Alors cette émission évidemment qui a pour but de répandre le funk sur la terre entière, eh bien on va vous parler un petit peu des Jackson 5. Alors c'est juste une petite info, hein, qui avait été transmise par Michael Jackson. Il faut savoir que de base, les Jackson 5, le chanteur principal n'était pas Michael Jackson. Et son père n'était pas forcément fan, enfin en tout cas l'avait jamais entendu chanter, parce que c'est le petit, vous voyez. Donc c'est normal que ce soit le plus grand ou un des plus grands qui soit le chanteur. Donc je vous dis ce qu'a dit Michael Jackson en 2003, donc en une interview réalisée par Martine Bashir. Ma mère m'a surpris un jour en train de chanter alors que je faisais mon lit. Elle a dit à mon père que je chantais bien, mais lui ne voulait pas en entendre parler. Il disait « Germaine est le chanteur leader du groupe, pas Michael ». Oui, Germaine, c'est masculin là-bas, apparemment. Ma mère lui a répondu « Tu devrais vraiment l'écouter, il chante bien ». Il a dit « Non, Germaine est le chanteur leader du groupe ». Finalement, elle l'a forcé à m'écouter et une fois qu'il m'a écouté, c'est moi qui suis devenu le chanteur leader du groupe. Et donc du coup, bah, pour dire à quel point, bah, de base quand même, son père n'était pas forcément à fond sur Michael Jackson, mais que bah, son talent est tellement démesuré que même ses réfractaires, même dans la famille, Eh bien, finalement, bah, elle a fait changer d'avis et on connaît, eh ben, évidemment, le succès qui est arrivé par la suite. Alors, je vais vous mettre juste après, eh ben, encore un Michael Jackson, ou non, on va switcher un petit peu, je vous mettrai un Michael Jackson par la suite, je vous en mets que deux, hein, parce que bah, le funk c'est trop cool, et puis j'ai tellement envie dans 30 minutes de vous mettre plein de trucs, vous voyez, mais bon, on essaye de concentrer au maximum. On va donc, eh bien, mettre un petit son d'un chanteur que j'aime beaucoup pour ses compétences vocales. Il s'agit de Stevie Wonder, et donc Stevie Wonder, Do I Do? Stevie Wonder, Do I Do? Et c'est sur iFunk. Let's go! Oh, I don't care how long yet. I got some gummy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dip and kisses full of love for you. Oh, yes, I got some gummy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dip and kisses full of love. Et donc Stevie Wonder, Do I Do sur I Funk. Do I Do qui a été fait en 1982 et donc qui a cartonné, qui était donc dans les Billboard Hot 100. J'adore utiliser mon accent anglais, ah, ça fait toujours bien. Et juste pour petite info, pour ceux qui touchent un petit peu à la musique ou qui chantent un petit peu, Stevie Wonder a quelque chose de particulier, hein. C'est pas uniquement un chanteur qui chante du funk ou de la soul. Il s'agit d'une personne, une des rares personnes qui est capable, en fait, si vous voulez, de chanter dans les aigus. Hein, souvent, quand vous regardez les émissions genre The Voice, tout ça, etc., ils vont vous dire, oui, quand on chante dans les aigus, c'est tu n'as pas une très belle voix de tête, vous voyez, hein. Bon, je peux pas avec le micro là, mais souvent, ça résonne dans la tête. Lui, il a une technique, si vous voulez, il a une morphologie qui fait que quand il chante là où la plupart des humains chanteraient en voix de tête, lui, il va chanter en voix de poitrine, vous voyez. Donc, une voix de poitrine avec plus de basse dedans. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va avoir une note... Si vous voulez, si on regarde vraiment le spectre du son, différent de la plupart des gens. Ce qui va donner une richesse avec un très bon son. Je vous invite vraiment à écouter du Stevie Wonder avec un super son, si vous pouvez évidemment. Et vous allez vraiment profiter. En plus de ça, c'est une personne vraiment très intéressante. Je vais vous citer une de ses... Dans une de ses interviews, il a dit quelque chose de très intéressant, hein, qui montre aussi son humilité, hein, du chanteur. Alors, je vous lis ça tout de suite. « Pour moi, tous ceux qui avaient plus de 13 ans étaient comme des parents. Je grandissais à la Motown, entouré d'adultes qui ne me laissaient pas faire certaines choses. » Alors, la Motown, c'est en gros l'univers de chant nord-américaine, si vous voulez, de l'époque, où vous aviez tous les groupes qui chantaient là-bas, en gros. Hein, une maison de disques, un peu, en gros. Entouré d'adultes qui ne me laissaient pas faire certaines choses. On me disait, tu ne peux pas jouer comme ceci ou comme cela. Lorsque je me mettais au piano, j'entendais, ne fais pas comme ça. Eh merde, ma mère m'avait inculqué une certaine compréhension des choses. Aussi génial que vous pensez être, vous n'êtes pas si grand. Ça m'a aidé. J'ai compris qu'il fallait trouver les moyens de toujours s'améliorer, car la réalité, vous l'atteignez lorsque plus personne ne vous dit comment faire. Stevie Wonder à Roger Lane Smith en 2014. Et donc, c'est quelque chose de super intéressant. Je vous invite, évidemment, si vous connaissez les plus classiques comme Superstition, par exemple, ou Free de Stevie Wonder, de garder un petit peu plus derrière le personnage qui est très, très, très intéressant. Alors, du coup, derrière, j'ai envie de vous mettre du bon Cool and the Gang. Mais avant de vous mettre du Cool and the Gang et évidemment du Michael Jackson, hein, parce que chose promise, chose due, je vais vous mettre un son que j'aime beaucoup, particulièrement, j'aime tout le funk, mais celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Il s'agit de Rufus, The Time is Right, et c'est sur iFunk. Vous êtes sur Radio Fadjet 94.2, et vous êtes là pour le funk, mes amis. C'est parti, Rufus, The Time is Right. Et j'espère que vous allez danser quand même. Better. The time is right. Refuse, Time is White, et donc de l'album Seal in Red, hein, paru, donc sorti en 1983, donc plus du soul, hein. À savoir que dans Refuse, vous avez donc la célèbre Chaka Khan, hein, qui est sortie du lot par la suite. Je mettrai évidemment des sons, j'aurais bien voulu les mettre aujourd'hui, d'ailleurs j'avais en tête de mettre ça, mais ça fait déjà 23 minutes qu'on est ensemble sur Radio Fadjet 94.2. Vous êtes sur l'émission iFunk, hein, c'est moi qui fais les voix. Non, je ne me la pète pas. Mais en tous les cas, ça me fait super plaisir de vous avoir, évidemment, de vous faire découvrir, partager un petit peu mon plaisir pour le funk, puisque c'est des sons qui font sourire, je trouve. Je sais pas, hein, c'est perso, en tout cas. Moi, j'adore écouter du son comme ça, même quand il pleut, même quand il fait beau, en fait, tout le temps, hein. Et donc, bah, évidemment, hein, faut que j'arrête de parler, que je vous mette tout de suite du funk, puisqu'il me reste plus beaucoup de temps. Chose promise, chose due cette fois-ci, je vous mets du Michael Jackson. Si vous voulez danser, si vous voulez faire, si vous voulez danser le Billie Jean, ça tombe bien, c'est pas Billie Jean, c'est Don't Stop the Get Enough. Allez, c'est de Michael Jackson et c'est tout de suite sur iFunk. We'll be right back. Ok, et donc Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, évidemment. Ce son est évidemment génial hein, pour danser. J'adore ce son-là. Il y a du sourire. On entend Michael sourire, les gars. J'adore ça. Et les nanas, hein, je dis gars, mais c'est pour tout le monde, évidemment. Donc là, il nous reste plus beaucoup de temps. Donc je vais vous mettre un son. Et puis, ça va être le son des deux dernières minutes, hein, je crois. Parce que j'ai envie de vous donner le maximum. On va finir par du Celebration. D'accord, Cool and the Gang. J'enchaîne tout de suite. Et puis, c'est parti pour Cool and the Gang. Celebration, let's go! J'en profite quand même pendant qu'elles sont, puisque maintenant il ne reste plus que 2 minutes, et bien pour vous remercier évidemment d'avoir partagé ces 30 minutes avec moi sur iFunk. Évidemment, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur Radio Fadjet. Hein, il s'agit d'iFunk, disponible. Vous pouvez l'écouter dès 17h le samedi, tous les samedis, puis sinon en podcast. En tous les cas, l'objectif, toujours découvrir des sons funk. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, si vous pouvez envoyer des messages, n'importe quoi, ce que vous voulez, je suis là, évidemment. Et pourquoi pas aussi des sons à mettre que vous voudriez entendre ou faire partager à tout le monde. Voilà, en tous les cas, il ne me reste plus beaucoup de temps. Hein, encore une fois, je dis toujours la même chose, hein, puisque le temps passe vite, n'est-ce pas? Alors, quitte à voir le temps passer vite, autant le célébrer. On finit cette dernière minute avec Celebration de Cool and the Gang. Et bien, moi j'en profite pour vous dire au revoir et à bientôt. Et vive le funk! Ciao! Let's celebrate. It's all right.